L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. La foire au disque de Nancy passe en mode XXL ce week-end des 27 et 28. C'est à la grande halle de Log 3 et c'est organisé par l'association Médédisque et la Face Cachée à Metz. Médéric, bonjour. Oui, bonjour. Comment s'annonce cette nouvelle foire au disque ? Eh ben, ça se présente bien, j'espère. Beaucoup de marchands ont répondu à mon appel d'essayer d'organiser une foire au disque un peu plus grosse que d'habitude. Elle sera une fois et demie la taille habituelle. Et donc, j'espère que maintenant le public va suivre, parce que c'est pour eux beaucoup de frais, des déplacements. Alors pourquoi avoir choisi de faire ce mode XXL cette année ? La foire au disque Nancy et Tours est une foire qui a plutôt bien marché. En mars, on a eu vraiment énormément de monde. Et ça fait des années que j'ai envie d'essayer d'organiser un événement de deux jours. Ça me travaillait et avant d'être trop fatigué pour le faire, je me suis dit que j'allais essayer cette année. C'est vraiment par envie de faire un événement de deux jours qui est un peu le soir de discussion avec les collègues, des clients, créer un lieu. On fait pas seulement acheter des disques, mais qui soit un lieu de discussion et convivial le soir. On retrouvera bien sûr du CD, mais le vinyle va avoir encore une place encore plus importante cette année. Alors le vinyle aura la même place en proportion que d'habitude, il y aura les deux supports, il y a un marchand d'affiches aussi qui est là, il y a un marchand d'affiches récente mais aussi un marchand d'affiches plus ancienne. On fait venir un sérigraphe pour l'événement, il y aura à noter Vincent Massé qui est le leader des PKRK qui dédicace son livre et qui nous fera peut-être un petit set acoustique samedi soir. On essaie d'enrichir l'événement. Ça touche un public plus varié qu'avant ou pas ? Oh, ça touche un public assez varié, oui, un peu toutes les tranches générationnelles. Oh, c'est quand même la même base, toujours un public de fans de musique d'une façon générale, quoi. Après, on a de plus en plus de jeunes et de jeunes femmes, notamment. Voilà, ouais. Ça change un peu, hein. C'était un monde assez masculin qui se féminise un peu ces dernières années. On entendait dire que l'attrait du vinyle était beaucoup plus marqué chez les jeunes aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Il y a pas mal de jeunes, 25-35. Pour les jeunes 15-25, on va voir, hein, c'est pas encore gagné. Mais bon, l'avenir nous le dira assez rapidement. Donc là, cette version XXL, elle peut en appeler une l'année prochaine aussi, si le public est au rendez-vous. Oui, ça peut en appeler. Après, on voulait que ça reste un événement ponctuel, donc c'est peut-être pas quelque chose qu'on va faire tous les 6 mois. Ça nous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup d'investissements financiers aussi, donc c'était vraiment plus un challenge pour nous de réaliser cet événement. Deux jours, donc les 27 et 28 septembre, c'est à la grande halle de Log 3, et toujours gratuit l'entrée. Et toujours gratuit l'entrée, ça nous tient à cœur. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.